plus des institutions. Alors, si vous voulez, je pourrais vous montrer quelques données un petit peu plus brutes sur les, mais on voit pas grand-chose là, sur les disciplines et les thèmes de recherche pour répondre peut-être un peu à vos questions. C'est-à-dire quand on est en histoire, on travaille plus facilement. Alors ça, c'est bête, on voit vraiment pas. Je ne dis pas de bêtises, mais non, ça va être difficile à. On va plutôt changer de sujet. Ça va être plus simple. Je vais vous parler d'un traitement et de la suite du traitement que nous avons essayé de faire à partir des CV de cette population-là. Alors, pour revenir un petit peu, le problème. Les CV, donc on les prend pour du déclaratif sur les personnes. Ces CV rassemblent toute une série d'informations, mais évidemment, ces informations ne doivent pas être prises comme des informations objectives. Et nous avons fait le choix de les prendre, par contre, comme des formes de présentation de soi, institutionnalisées et personnelles, mais qui sont tout à fait susceptibles de faire l'objet d'une analyse. Pour autant, ça signifie, par exemple, qu'une personne qui affirme sur son CV qu'elle perçoit la PEDR, ou la prime d'excellence scientifique, ça doit être compris, ou plutôt quelqu'un qui ne le déclare pas ne veut pas dire qu'il ne l'a pas, mais quelqu'un qui le déclare, ça a bien une signification, en particulier de dire qu'il adopte une reconnaissance des conceptions des formes d'excellence telles que peut... le porter, le fait de déclarer avoir la prime d'excellence scientifique. Donc, faire attention à ce genre de choses-là, on n'a pas des informations absolument parfaites, mais on les prend pour des déclarations des individus et des institutions auxquelles ils sont rattachés, bien plus que comme des informations strictement objectives. Alors, je dis aussi des institutions auxquelles ils sont rattachés, puisque souvent, ce sont les institutions qui publient les curriculum vitae de ces personnes-là. Dire que le CV est une forme très institutionnalisée de déclaration, c'est aussi relever la forme très normée des CV des chercheurs et des universitaires. Il y a évidemment des disciplines dans lesquelles la normalisation des CV est plus importante que d'autres, comme par exemple en économie, où les CV sont particulièrement longs et détaillés, et suivent souvent les mêmes rubriques. Mais on retrouve aussi une espèce de forme un peu type qui traverse le champ des sciences humaines et sociales, que ce soit sur la façon de déclarer les parcours, les responsabilités occupées, les distinctions, les thèmes de recherche, les projets de recherche, les publications, etc. C'est donc pas n'importe quoi qu'on déclare, et on le déclare pas non plus n'importe comment, et sous n'importe quelle forme. Cela dit, nous avons donc, avec Christian, collecté l'intégralité des curriculum vitae de notre population, ce qui fait, je crois, 194 curriculum vitae. Les données, dans l'ensemble, sont très hétérogènes. Il y a des CV qui sont très fouillés, et à l'inverse, des CV qui peuvent être très, très courts, avec très peu d'informations. Pour éviter ce type de... En tout cas, pour pouvoir contrôler ce type de différence-là, on a élaboré une nomenclature des types de CV pour les classer et pour essayer de comparer ce qui est comparable. Donc, on a codé les différents CV, soit s'ils étaient complets, donc avec toutes les fonctions, s'ils étaient partiels, mais en fait ils sont à peu près complets, mais il manque les informations passées, quelques-unes. Si on a toutes les fonctions actuelles, mais aucune fonction passée. Si à l'inverse, il n'y a que c'est des CV très sommaires sur lesquels les fonctions antérieures sont totalement ignorées. Donc, et puis quand on n'a pas de CV. Et là, il y a plusieurs possibilités. On a juste une notice d'éditeur qu'on a trouvée. Ou alors une page sur LinkedIn, etc. On a utilisé que des données publiques, hein, qui sont publiées. Alors, on peut déjà regarder comment se répartissent la part des CV, s'ils sont plus ou moins complets en fonction de nos institutions. Donc on a, en gros, à l'ARS, 44% des CV qui sont vraiment complets, un petit peu moins à l'ANR, et une proportion quand même assez importante de 40% de CV complètement complets qu'on a trouvé au CNRS. Ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je ne vais travailler que sur les CV qu'on a codés A1 et B1, c'est-à-dire ceux pour lesquels on a toutes les informations actuelles et antérieures, et ceux sur lesquels on a toutes les informations, on n'est pas sûr qu'il y ait tout sur les fonctions antérieures, mais ils sont quand même bien remplis. Donc ça fait un échantillon de 45 CV pour l'AERES, 36 CV pour l'ANR et 36 CV pour le CoNRS. Et je vais prendre que cette partie-là des données. Oui. Là, au vu de ce que vous avez dit, Christophe, on peut me dire que aussi bien les directeurs de recherche que les profs le remplissent dur par CV. Ou en tout cas que l'accès à leur CV est plus facile, Ouais. C'est impressionnant, on est dans une profession dans laquelle les CV sont quand même très très très très, très facilement diffusés. Avant, donc je vais juste vous présenter quelques types de CV pour vous montrer le type d'information sur lesquelles on a pu travailler. Donc un CV A1. Voilà, c'est un CV qui se présente de cette façon-là. Je vous parlerai des photos aujourd'hui, parce que j'ai voulu faire un petit peu attention, mais on a d'autant plus, on va avoir d'autant plus une cravate et un costume que on est économiste, par exemple, évidemment, et qu'on est proche de l'administration. Ceux qui sont présents en université sont bien plus souvent en costume en cravate. Donc voilà, là, on a par exemple donc, les thèmes de recherche, un parcours daté très détaillé, principale responsabilité actuelle, principale responsabilité antérieure internationale, principale responsabilité antérieure nationale, etc. Bon, voilà, ça c'est... Pardon ? Ça c'est le type de CV complet, j'ai pas tout mis, hein, d'accord ? Après il y a les publications, etc. etc. Autre type de CV, donc un CV B1, c'est-à-dire un CV donc, sur lequel on a beaucoup d'informations, mais on n'est pas sûr d'avoir exactement tout. Ça, ce sont les CV qui sont publiés par l'AERES pour les membres de l'AERES. Et en fait, ces données-là sont à la base de l'idée de faire ce travail-là, c'est-à-dire de travailler sur les déclarations des institutions. Je ne l'ai pas anonymé, mais bon, c'est un CV public. Où il y a toute une série, voilà, le parcours, la formation, le parcours, les différentes responsabilités qu'a eu cette personne-là dans son université, laboratoire qu'il a pu diriger, etc., etc., puis une liste de publications principales. Lors sur votre présentation habituelle, dans l'instant, vous allez regarder les annuaires des jeunes normales, qui sont publiquement des assez simples à manier. Oui, on ne les a pas encore complètement traités. Enfin, l'ENS, on l'a. L'annuaire de l'X, on l'a. Ouais. On est en train de, voilà, on est en train de les traiter, mais sur l'ensemble de la base que nous avons. Ça permet par ailleurs d'avoir une petite idée de l'autodéclaration par rapport à. Tout à fait. Il semble que l'ENS est quelque chose qu'on déclare beaucoup quand on a fait l'ENS dans le choix académique, hein, a priori. Un CV B2, donc c'est-à-dire avec des informations manquantes sur les responsabilités. Donc là, en fait, on ne voit pas très bien, mais on parle de la position actuelle, principale responsabilité collective, parcours de recherche assez rapide, et puis les activités de recherche. Mais on n'a pas, par exemple, les responsabilités administratives sur ce genre de CV-là. Donc ces CV-là, je les ai évacués du traitement. Voilà, même si, voilà, après 5 principales publications, un CV C1, donc en gros, c'est un CV sur lequel on a, donc ça c'est un CV issu d'une institution de rattachement de la personne, où on a en gros le poste de la personne, ses thèmes de recherche, et puis quelques publications, et c'est tout. Et ça, c'est le CV, où on a juste la position de la personne et c'est tout, et on n'a que ça comme information. Donc effectivement, ceux-là, je les ai évacués du traitement. Ensuite, donc quand je vous dis que le CV est une forme de présentation de soi, je vais essayer de vous présenter quelques types de présentation. Je vous parlais tout à l'heure de la photographie, qui est très important, et je pense qu'il y a vraiment un traitement à faire sur la façon dont, dans les CV, se mettent en scène au travers de la photographie les différentes personnes. J'avais présenté l'année dernière déjà quelqu'un dont je vais pas représenter ce cas-là, mais je vais en parler d'un autre. Donc c'est l'administrateur de l'université. Oui. Les CV qui sont publiés par les institutions de rattachement, donc de rattachement, le HESS, Paris 1, etc., sur les CV effectivement ARS. Dans certains cas, on a effectivement des CV LinkedIn, très rares, mais voilà. Mais sinon, en général, parce qu'en fait, quand on tape sur le web le nom de la personne, ce qu'on retrouve comme CV, c'est des CV publiés par les institutions. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que des institutions publient des fichiers attachés, PDF, de CV très détaillés. Effectivement, ouais. Mais les sources sont bien souvent les institutions de rattachement. Parce qu'ils sont formatés, les CV. Oui, parce qu'ils sont formatés, bien sûr. Mais pas toujours, je vais vous montrer un cas. Okay, je vais vous montrer un cas. Le CV de l'administrateur de l'université. Voilà, donc la photographie, on est en costume au téléphone. Et donc on ne va pas mettre n'importe quelle information dans ce type de CV, donc une vraie stratégie de présentation de soi, c'est quelqu'un qui a l'AERS. Et donc voilà ce qu'on met en avant, donc le statut, les postes de responsabilité de direction locale, et puis là en fait vous ne voyez pas très bien, mais donc il y a trois onglets, et si je vous détaille les trois onglets, donc le premier c'est curriculum vitae, et donc là vous avez toute une liste, donc c'est un CV complet, hein. Toute une liste d'affectations qu'a pu avoir cette personne-là, de postes, de direction, de jury d'agrégation, de membres du CNU, de directeurs divers et variés d'institutions universitaires, enseignement qui vient en deuxième, et puis la recherche qui est très très court en fait, avec des onglets sur lesquels il faut recliquer dessus, mais il n'y a pas grand-chose, et à la toute fin, à nouveau, des postes de direction, voilà, membre du conseil d'administration de l'université, etc. etc. Mais bon, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment, effectivement, la photo est extrêmement parlante sur cette stratégie de mise en scène de soi. Ce CV-là, par exemple, ne ressemble pas du tout à un CV de patron de la recherche, comme on peut avoir ici, par exemple, qui est un CV donc, beaucoup plus sobre dans la présentation. Là, c'est un CV très complet, avec l'état civil, le cursus universitaire très détaillé, daté. Ça commence par le lycée. En fait, c'est quelqu'un, études supérieures, lycée Fénelon, université Paris 4, etc. etc. Agrégation. Et qui enchaîne tout de suite sur les principaux domaines de spécialisation. Et qui fait un récit de soi, de ses recherches, la première personne. C'est-à-dire le chercheur qui se revendique sur une stratégie de pur chercheur. Il veut dire, moi, j'ai... Voilà, spécialiste de ceci, cela, j'ai d'abord mené mes recherches dans le champ de, etc. etc. Et très long, assez détaillé. Ensuite viennent les responsabilités administratives qui sont très nombreuses, puis les responsabilités scientifiques, à l'échelon national, à l'échelon international, les prix et les distinctions, ce qu'on ne voyait pas du tout, par exemple, tout à l'heure, et ensuite, beaucoup de conférences de communication, les directions de thèse, encadrement de recherche, direction d'HDR, à la fin les activités pédagogiques, et ensuite toute une liste de publications extrêmement nombreuses. Donc vraiment, autre type de stratégie de présentation de soi, qui est quand même très différente de ce que j'appelais l'administrateur de l'université. Mais ça, c'est quand même un CV, on pourrait dire, de patron de la recherche, de quelqu'un qui cumule quand même énormément de responsabilités. À l'inverse, si je veux prendre le CV de celui qui se présenterait comme un chercheur pur, celui qui justement ne cumulerait pas des positions administratives. Là, c'est un CV qui vient de la section de rattachement. Donc là, on a un petit onglet sur les fonctions, le corps, quelqu'un qui est chargé de recherche, description des quelques enseignements que fait cette personne-là. On retrouve les thèmes de recherche à la première personne, puis des photographies, et surtout des photographies de soi sur le terrain. On a un chercheur. Ça, c'est quelque chose qui, dès qu'on va avoir des personnes qui revendiquent d'abord sa pratique de recherche, les photos de soi sur le terrain sont vraiment récurrentes dans ce type de, CV-là. Alors, il y a d'autres stratégies encore. Celui qui... alors, ça, c'était la fin du CV. Qui veut se faire passer pour un chercheur international et qui, donc, va mettre son CV en anglais. Même si tous les items de la trajectoire se renvoient toujours à des positions françaises. Donc ça, c'est une personne qui est professeur d'histoire. Tout est en anglais avec Main Scientific Responsibilities and High Education Points, Editorial Board, Publishing, Attached Conference, Ability to Inspire Younger Researchers and Training, Scientific Leadership Profile, etc., etc. Mais c'est toujours des postes et les publications sont toutes en français, mais tout le CV est en anglais, qui est une façon donc de se présenter aussi autrement. Autre possibilité encore, ça c'est un CV LinkedIn, par exemple. Donc une personne qui se déclare enseignant à l'EHESS, qui est en fait un expert du ministère. Mais vous voyez la force de la photo. La photo est là pour... c'est quelqu'un qui est en sciences de l'environnement. La photo est là pour montrer qu'on est un vrai chercheur. Et c'est d'autant plus important qu'on ne l'est pas. Donc en plus, voilà, on ne peut pas avoir un CV sur l'institution. Donc on va l'avoir sur LinkedIn. Mais on va faire comme si... on va retrouver la présentation à la première personne pour montrer qu'on est bien un chercheur. On peut mettre des logos du ministère. Donc c'est quelqu'un qui a récemment eu une charge d'enseignement à l'EHESS, mais qui est au ministère de l'écologie depuis des années. Mais qui se présente comme un chercheur et qui se présente comme tel, et son CV va dans ce sens-là, c'est une personne qui est à l'ANR. Ensuite, peut-être, c'est le CV de l'expert ministériel, voilà, qui veut se présenter comme un chercheur. Le CV ce que j'ai appelé du jeune chercheur qui est sur des trajectoires très rapides d'ascension. Donc là, on va avoir effectivement des stratégies de présentation de soi. On est au micro, où on est en train de parler, on est en conférence, ou alors on va avoir des livres derrière soi, des bibliothèques. On va mettre en avant d'abord la recherche. Donc là, il y a tous les titres universitaires, les principales publications. Très rapidement, on rentre sur les publications, ce qui n'était pas le cas sur les autres CV, par exemple. Les communications, et puis quand même, là, on montre les responsabilités académiques et d'expertise. C'est très intéressant de voir à quel point l'expertise devient une catégorie en soi qu'on met dans son CV. Ça, c'est vraiment les personnes qui sont en résonance avec les nouvelles institutions. Donc, expertise, responsabilité universitaire, responsabilité éditoriale, etc. D'expertise. Donc voilà, en gros, du jury d'agrégation, expertise. Différents types de présentation de soi. Donc je vous avais déjà présenté du cours CV de l'AES, mais je voulais vous montrer effectivement comment ça se présentait, c'était assez intéressant. Alors là, je vais un petit peu détailler, qu'est-ce que l'AERS met en avant ? Qu'est-ce qu'on met en avant dans un CV AERS ? Avec l'idée que le CV et le CV publié par ces institutions visent à légitimer la position. Ça, c'est le CV d'une personne qui est maître de conférence. Alors, c'est dommage, j'arrive pas bien à lire. Je vais voir si je peux lire mieux ici. Non, je ne peux pas lire mieux ici. Alors, attendez, excusez-moi. Plusieurs CV pour la même personne. Est-ce qu'on a plusieurs ? C'est des fois, oui. Et on garde ce qu'on a considéré comme le plus complet, donc ça. De faire des croisements. C'est juste. Donc cette personne, maître de conférence en psychologie du développement, exercer de nombreuses responsabilités dans le domaine de la formation, membre de l'équipe pédagogique ayant mis en place un DUG pluridisciplinaire en SHS, coordinateur du tutorat de ce DUG, directeur du DUG de psychologie, directeur du DUG SHS, co-directeur du DESS enfance et adolescence, directeur d'études de la spécialité professionnelle développement de la petite enfance. Elle fait partie de l'équipe de direction de l'université depuis 1997, vice-présidence du CEVU, vice-présidence chargée de l'évaluation et du pilotage et conseillère auprès de la présidence depuis janvier, blabla. Exercer différentes responsabilités au niveau national, telles que membre de la 6e section du CNU, membre du bureau de la coordination nationale des VP CEVU, représentant ce réseau à la coordination vie étudiante, et c'était surtout conseillère auprès... Oui, voilà. Donc, ce qui est mis en avant, vous voyez, c'est pas n'importe quoi. C'est pas quelqu'un qui va mettre en avant son activité de recherche, c'est quelqu'un qui a cumulé des positions d'administration pédagogique, universitaire, et vraisemblablement, c'est ça qui est mis en avant par l'AERS pour justifier la légitimité de cette personne à occuper cette fonction-là. Donc vraiment, l'idée qu'il faut vraiment prendre de cette façon-là les CV, mais en même temps, c'est fondamental pour nous. À l'inverse, on va retrouver dans les CV, par exemple, du CoNRS, des choses beaucoup plus sommaires, bien souvent très peu, voilà, on va aller très vite sur les thèmes de recherche, très peu de choses sur la responsabilité administrative, il n'y a pas de responsabilité universitaire pour beaucoup d'entre eux, et puis il y a une liste de publications qui arrive très très vite. Voilà, ensuite, revue des comités de lecture, traduction, etc. Ah, on verra ça après. Donc voilà, ce que je voulais mettre en avant, c'est sur la façon dont les CV vont permettre de voir des stratégies de présentation de soi qui sont à la fois effectivement personnelles, mais aussi formées par ces institutions, et qui visent, en gros, à légitimer de la position occupée ou des positions occupées. On a, alors, je ne vais pas vous présenter parce que ça va être un petit peu long, mais derrière ces façons de définir, de se définir soi, on retrouve aussi des façons de définir les pratiques légitimes de la profession. Donc je vous disais sur la façon dont tout à l'heure l'expertise devient une pratique légitime qu'on met en avant, qui fait partie du job, donc qui mérite d'être mentionné. De la même façon, on voit apparaître de plus en plus dans les CV les montants des contrats, les contrats et les montants des contrats, quelles que soient les disciplines, que ce soit aussi bien pour les disciplines qui ont toujours demandé beaucoup de financement, comme l'archéologie ou beaucoup de moyens, ou la philosophie, ou des disciplines dont on se serait moins attendu à voir ce genre de choses-là. Par ailleurs, même s'il y a des variations, on voit s'imposer ce que je vous dis là comme des tendances sur toutes les disciplines. Et on retrouve les mêmes catégories en anthropologie, en sociologie, en économie, etc. Avec les variations que je vous ai montrées, l'usage de la première personne du singulier, ou bien à l'inverse des listes, etc. Et qui changent sur la façon dont on se présente et dont on se met en scène en général comme un chercheur quand on veut parler à la première personne. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je vais en venir au traitement des CV qu'on a pu faire. Mais c'était nécessaire que je dise ça pour savoir quel statut on va donner à l'information. Donc, on a un échantillon de 116 CV qu'on a codé sur différents items. On a codé lorsque les personnes déclaraient des projets. En fait, on a fait plusieurs catégories. On pourrait dire quelque chose qui ressemblerait à effectivement l'activité scientifique légitime, donc avoir des projets, et en général quand on déclare ces projets ANR, européens, avec des financements. Quand on déclare toutes les positions de marqueurs d'excellence académique, par exemple être membre de l'IUF, la PEDR, ou les distinctions diverses ou variées. On a codé tout ce qui est les positions de contrôle, ce que j'appelle les positions de contrôle du corps, donc que ce soit être dans les jurys du concours, agrégation, ENS, mais aussi jury, par exemple, de l'ENA, on a codé également, les gens qui sont au CNU, au CoNRS, à l'ERS ou à l'ANR. Donc là, on a fait un paquet, on les a distingués, hein, mais on peut les rassembler sous cette catégorie-là. On a codé toutes les positions de direction universitaire, donc direction d'équipe, de laboratoire, d'UFR, d'école doctorale. On a une catégorie autre responsabilité pédagogique qu'on a aussi gardée. Ensuite, toutes les positions d'administration de l'université. En fait, c'était le premier que j'ai passé tout à l'heure. Je crois pas. Ouais, bref. Je m'y perds un peu, excusez-moi. Ok. On a codé donc. Président, si voilà, donc toutes les positions d'administration de l'université, si on est président d'université, si on est dans des conseils d'université, ou si on a d'autres responsabilités universitaires du type vice-présidence chargée de. D'accord, on est, c'est des positions qui se sont beaucoup développées dernièrement. On a ensuite codé toutes les déclarations des missions réalisées. Missions réalisées pour le ministère de l'enseignement supérieur et la recherche, pour d'autres ministères, pour d'autres organismes, ou des missions dans le secteur privé. Et ensuite, toute une série d'indicateurs sur la coloration internationale du CV. Donc à la fois les collaborations internationales, que ce soit en termes de colloques, de revues dirigées, etc. Et les séjours étrangers qu'on a séparés entre les séjours étrangers de plus d'un an et les séjours étrangers de moins d'un an. Et enfin, on a gardé les déclarations de direction de société savante et de direction de revue. D'accord ? Qui sont plutôt des pouvoirs de type académique. Comment on a fait ? Concrètement, je suis embêté parce que j'avais une slide et je l'ai perdue. On a réalisé un codage des carrières de ce type-là, je vais vous présenter après, où chaque lettre correspond à un de ces items. A, par exemple, c'est déclarer des projets. Alors, vous ne dites pas de bêtises. B, ça va être donc la deuxième colonne, c'est quand on a été membre de l'IUF. C, c'est quand on déclare avoir la PEDR, etc. etc. Je ne vais pas vous faire toute la liste, parce que ça va être un petit peu rébarbatif pour vous, mais après, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on voit. Ça me donne une séquence. Et à l'aide de cette séquence-là, je fais un travail de comparaison de séquences. Alors, pas en type d'optimal matching analysis, parce qu'on n'a pas de temporalité, donc ça n'aurait pas de sens, mais je calcule une distance, une proximité, enfin un score entre deux séquences, plus deux individus vont avoir des événements en commun, plus ils vont avoir un score élevé, plus ils ont un score élevé, plus ils ont une distance proche. Vous me dites si jamais vous arrivez... Je suis pas clair. Juste une petite question. Souvent, on fait une matrice d'équipe. Dans ce cas-là, pour passer d'un type d'état à un autre, c'est il peut y avoir deux. Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Est-ce que tu as pris en compte ça ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que tu attribues un poids identique à deux séquences pour qui il manque une chose en commun, ou est-ce que la chose qui manque rentre en différence de la possible ? Alors. Il n'y a pas d'insertion d'élection en fait. D'accord. Puisqu'il n'y a pas de. Puisque justement, ce n'est pas de l'optimal matching analysis en fait. Oui. Ce que je fais, c'est qu'effectivement, si deux individus par exemple déclarent avoir un projet, ils vont scorer 1. Oui. D'accord ? Et je somme ça. D'accord ? Donc j'ai une matrice diagonale qui est totalement égale. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai un événement qui est commun aux deux, il marque un point. Oui. Il n'y en a pas, là j'ai fait quelque chose de très neutre. D'accord. Et j'ai pas pondéré certains événements plus que d'autres. Ça serait pas mal de pondérer si tu te rends compte que 80% des gens qui ouais. ont deux machins en commun ont tendance à avoir un troisième en commun. Mais vous allez voir à quel point c'est incroyable. D'accord, je ne l'ai pas fait. J'en ai pas eu besoin. Et j'ai utilisé. Alors, on est dans la tambouille. J'ai utilisé un algorithme de neighbor joining et pas un algorithme UPGMA. L'UPGMA ne marche pas bien. Donc le neighbor joining, qu'est-ce qu'il fait ? Il va à la fois minimiser la distance entre deux séquences et maximiser l'écart avec les autres qui sont très différents. Ce qui est une méthode beaucoup plus pratique pour faire des paquets. Et là, ça a été extrêmement parlant. Ici, j'ai tous les individus, et là, on ne voit pas très bien ce que ça donne, mais donc vous voyez, en gros, c'est juste pour vous montrer on a donc des séries de cette façon-là. Je vais vous montrer une autre représentation qui est beaucoup plus juste, qui est celle-ci. C'est la même chose, avec un arbre phylogénétique pour les biologistes qui sont là. En bleu, il y a les membres du CoNRS. En rouge, les membres de l'ANR. Et en vert, les membres de... en bleu, l'ARS. En vert, le CoNRS. Et en rouge, l'ANR. C'est truqué. Ce n'est pas truqué, je t'assure. Ce n'est pas truqué. Mais c'est logique avec tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le fait que l'ARS est une institution très universitaire, beaucoup plus engagée de province. Et en fait, on voit que les profils qui montent à l'ARS sont plutôt ceux de petits administrateurs locaux, souvent qui ont piloté la réforme dans l'université et qui montent à l'ARS, donc ce n'est pas du tout les mêmes profils. Et donc on voit comment, avec cet outil de codage-là, on a des profils extrêmement différenciés et qui regroupent les institutions sur les CV complets. Alors, maintenant, avec ce type de représentation-là, comme le savent bien les biologistes qui sont dans la salle, il faut raisonner en termes de branches pour faire attention. On a un premier groupe ici qui est un petit peu à part. Je ne sais pas si vous voyez les branches qui se séparent ici. Je vous en parlerai après. Ici, vous avez un premier groupe. Donc tout ça, c'est un premier groupe que j'appelle le groupe 1, qui est largement représenté par l'ERS. Ce groupe-là se sépare de tout l'ensemble. D'accord ? Tout l'ensemble est sur une autre branche ici. Donc il y a une première séparation de ce paquet-là. Ce paquet-là, c'est concrètement celui... alors, ici, en fait, on a des gens qui sont un petit peu plus dotés en pouvoir universitaire. C'est plus souvent des directeurs de laboratoire. Là, ça l'est beaucoup plus rarement. Ici, par contre, on va retrouver les gens qui sont dans les conseils d'université, qui sont directeurs du FR, etc. D'accord ? Là, la différence, c'est qu'on a des gens qui vont plus facilement... Alors, pour que je vous dise à peu près les caractéristiques... plus facilement être directeur de laboratoire... plus facilement dans les conseils d'université pour ce petit groupe. Bon. Et il se sépare de tout le reste. Ensuite, tout le reste, il y a une première branche qui part ici, qui sépare ce que j'appelle le groupe 2. Ce groupe 2 est très intéressant, c'est un groupe qui mélange à la fois du CoNRS, de l'ARS et de l'ANR. En fait, vous ne voyez pas, mais les noms ont été tous anonymés, en fait, en prenant des lettres de prénoms et de noms différents. Et en fait, il y a les disciplines qui sont là, et puis le sexe aussi qui est indiqué en fait directement dessus. Je vous expliquerai après qu'est-ce qu'on peut voir avec le sexe et qu'est-ce qu'on peut voir avec les disciplines. Pour l'instant, je vais laisser de côté. Ce groupe-là, c'est le groupe des grands patrons. C'est-à-dire ceux qui cumulent à la fois du pouvoir scientifique, mais ils déclarent moins être porteurs de projet quand même. C'est pas ceux qui déclarent le plus être porteurs de projet. Par contre, c'est eux qui ont toutes les distinctions, c'est eux qui sont dans toutes les positions de contrôle du corps, jury d'agrégation de l'ENS, CNU, ANR, CoNRS, on en a beaucoup qui cumulent les positions entre ANR, par exemple, et AERS ici, et puis qui vont être aussi dans les conseils des universités, directeurs du FR, et qui font aussi beaucoup de missions à la DGRI, enfin pour le ministère, diverses et variées. Ouais. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a... Comment ça ? Ils sont dans des institutions différentes, mais au même niveau de... Non. Non. Ils sont... Alors, ils font partie donc, de nos organisateurs de l'évaluation au CoNRS, à l'ERS et à l'ANR. D'accord ? Mais au moment où ils sont rentrés dans ces institutions-là, ils ont des propriétés communes. Ils ont les mêmes propriétés communes. Alors la couleur, c'est l'attachement à l'institution. C'est ça. Ok, ouais, si tu veux. Alors si vous voulez, je peux peut-être essayer de détailler quelques exemples. Ils sont dans deux institutions différentes, ils apparaissent deux fois. Ils apparaissent deux fois. Alors... pour plusieurs raisons, mais une raison de méthode très simple, c'est qu'ils peuvent rentrer dans les institutions à différentes périodes, et quand on a codé les CV jusqu'au moment de l'entrée dans l'institution, on a gardé aussi cette possibilité-là. Ça veut dire que potentiellement, ça accroît la taille de ce quartier Non, parce qu'en fait, ils sont très peu nombreux, ils ne sont pas si nombreux que ça à y être deux fois. Par contre, à y être deux fois dans les périodes qu'on a saisies, c'est-à-dire pour les institutions, le dernier mandat du CNRS, la période qui nous intéressait à l'ANR et la période qui nous intéressait pour les délégués scientifiques. Souvent, ces personnes qui, par exemple, sont à l'ANR et ont été avant à l'AERS, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou alors qui sont à l'AERS. Bon, voilà, bref. Mais ça, c'est vraiment le groupe des patrons. Alors, j'avais prévu normalement d'avoir. Mais je ne l'ai pas mis là. Tant pis. De vous donner des exemples. Si vous me laissez deux minutes, je retrouve mon fichier. Alors, un exemple donc de ce groupe-là. Voilà. Je crois que j'avais dû le mettre là, en fait. Excusez-moi, petite manipulation. Autant que je vous montre les données. Bon, c'est un CV en ligne, mais voilà. Mais alors oui, il n'est pas là. Non, c'est pas très parlant de faire ça comme ça. Non, ça ne marche pas. Excusez-moi. Bon, tant pis. Donc, un exemple, je vous le donne, et puis c'est pas grave. Donc une personne qui est historien, qui a de nombreux projets déclarés, coordination d'un programme allemand, italien, français par exemple, qui a été membre de l'IUF junior en 96-2001, puis senior en 2008-2013, puis renouvelé en 2013-2018, qui est chevalier de l'Ordre national du mérite, palmes académiques, qui est jury de l'IUF, qui est donc délégué scientifique, qui à l'ANR a aussi été président d'un comité d'évaluation, qui a dirigé un labo, qui a été vice-doyen d'un département, qui a été au conseil d'administration de son université, vice-président de son université pour les finances, qui a eu des missions à la DGRI comme rapporteur et à la MSTP, en 2003, 2007 et 2007-2011, qui est consultant aussi à l'UNESCO, etc., etc., et qui est normalien. Ulm. Donc voilà, le type de profil de ces individus-là. Ça, c'est les grands patrons. Ensuite, vous avez un deuxième groupe ici, le groupe 3, qui est aussi un groupe mixte, et qui a des propriétés proches de celui-là, sauf que ce sont davantage des chercheurs, ce sont davantage des gens qui déclarent beaucoup de projets de recherche et qui sont moins des administrateurs de l'université, mais qui sont aussi des personnes qui sont dans à la fois qui ont des responsabilités pédagogiques, qui dirigent souvent des sociétés savantes. Donc voilà, c'était des profils de chercheurs universitaires, mais qui ont des profils de chercheurs. Ça, c'est le groupe 3. Le grand groupe 4, ici, peut être divisé en plusieurs parties. Mais ce qui va marquer ces deux groupes-là, c'est d'avoir très peu de responsabilités universitaires. La partie en rouge, qui est donc celle des ANR. Donc à l'ANR, on a beaucoup plus, Christian a pas parlé tout à l'heure, mais des professeurs émérites, des professeurs classe exceptionnelle. Donc c'est vraiment effectivement plutôt des professeurs en fin de carrière qu'on va retrouver à l'ANR. Je ne veux pas entendre parler de ça. Pardon. et donc ce groupe 4 est tenu par des personnes qui vont donc à la fois déclarer une grande partie donc des projets qui donc sont à l'ANR, mais qui vont aussi pour certains être dans des conseils d'université ou avoir des différentes responsabilités universitaires. Mais finalement, ils ont peu de missions avec donc peu de rapport avec le champ politique. Mais par contre, ils peuvent diriger effectivement des revues, diriger, être dans des sociétés savantes, diriger des sociétés savantes, etc. Et enfin, le dernier groupe, c'est un groupe qui bien souvent n'a rien à voir avec l'université, qui est le groupe donc du CoNRS. Qui ont beaucoup plus souvent mentionnent des séjours à l'étranger et qui les responsabilités qu'ils vont avoir se focalisent davantage exclusivement sur les sociétés savantes et sur les directions d'envie. Voilà, donc on a effectivement des profils qui sont très fortement différenciés entre ces trois groupes. Alors maintenant, juste pour revenir à ce que je vous montrais tout à l'heure, le petit outil qui est lisible là depuis tout à l'heure est en fait très pratique parce qu'il permet, une fois qu'on a construit nos groupes, de pouvoir visualiser tout de suite les caractéristiques des carrières, de voir qu'est-ce qui est commun, une façon de faire un peu une ACM à l'œil. J'ai pas eu le temps de réussir à le faire. On aurait pu vous présenter en fait une ACM sur ce genre de choses-là pour voir quelles sont les variables qu'on retrouve qui discriminent, qu'on fera, évidemment, Yann, qu'on fera. Voilà, sur ce genre de choses-là. Alors, si je veux colorier, donc là, c'était la coloration par institution, si je colorie en fonction du sexe, j'ai mis en bleu les garçons et en rose les filles, vous verrez qu'en fait, il n'y a pas de répartition particulière. Voilà, c'est pas. Sauf qu'effectivement, là, bon, on a un paquet plutôt ici, mais. Donc parmi les patrons, donc une majorité d'hommes évidemment, mais on retrouve aussi des femmes, donc voilà, la variable n'est pas pertinente. En tout cas dans cette classification-là. Et puis, donc là, c'est une coloration par discipline où j'ai voulu... Alors, je n'ai pas colorié toutes les disciplines, j'en ai colorié quelques-unes, les historiens, les géographes, les psychologues. Donc, je ne vais pas vous donner exactement tout ce qui est en quelle couleur, mais pour voir que, en fait, on va retrouver ici les disciplines du CoNRS, en fait. C'est pour ça qu'on a une certaine homogénéité par rapport à d'autres disciplines plus universitaires que j'ai mis en couleur. Mais on ne peut pas dire que la discipline va être un facteur de correspondance des éléments de la carrière, en tout cas dans les déclarations des CV. Donc voilà, en gros... Pardon, je vais revenir un petit peu en arrière sur les disciplines. Il semble néanmoins qu'il y a certaines disciplines qui sont particulièrement concentrées dans certaines zones. Oui. Par exemple, la discipline verte, ce que c'est, oui. Quand même se retrouve... Je vais l'ouvrir en PDF, comme ça on va pouvoir zoomer. D'accord ? Si vous voulez bien, ça va être beaucoup plus pratique. Mieux. Hein. Non, c'est toujours illisible, je suis désolé. Ou alors, si. Ça va pas être facile de zoomer. Bon, bah, je suis. Ouais, je suis. Si. Hein, celui-là, là ? Ouais, mais je voulais réussir à zoomer plus, mais en fait, il faudrait que j'ai. Ah ! K61. Merci. Voilà. Mais c'est pas graphique. Alors, en vert, nous avons tout ce qui est archéologie, philosophie, l'anthropologie. Non, là, c'est le codage. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Oh là là. Et évidemment, je ne l'ai pas mis là. Bon, bah désolé, ça va être compliqué. Mais bon, là, au moins, on voit les disciplines. Je suis désolé, mais vous voyez les disciplines ici. Ouais, ouais. Géomorphologie, littérature, histoire, géographie, biochimie, histoire, sciences politiques, histoire, sociologie, philosophie, Mais effectivement, ici, c'est le CNRS, en fait. Donc, ouais. C'est grave, donc on va retrouver un peu ces disciplines-là. Et par exemple, si on regarde du côté des patrons... Donc, qu'est-ce qu'on a? Démographie, philosophie économique, philosophie histoire, droit public, histoire, géographie, droit public, histoire, études anglaises, linguistique, histoire, économie, sociologie, psychologie, histoire, droit, économie, droit, philosophie, droit. C'est vrai qu'on a un paquet, effectivement, là, plutôt d'éco-droit, de ce côté-là, avec une philosophe des sciences. Mais quand même, c'est pas. On aimerait bien, hein. je suis d'accord, hein. mais là en l'occurrence, alors comment interpréter ça, je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une normalisation effectivement des présentations des CV qui fait qu'on échappe quand même fortement, en tout cas de plus longtemps, à échapper aux logiques disciplinaires dans la présentation de soi sur les CV, tellement les institutions les normalisent, nous obligent à les normaliser, hein. Pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, donc là, si vous voulez, il y a études islamiques ici, germanistes, paléontologues. Alors là, c'est l'ANR hein, en rouge. Aménagement, psychologie. Là, c'est parti, je suis désolé. Philosophie, histoire, psychologie, gestion, géographie, sociologie. Celui-là, il a bougé aussi. Littérature, philosophie, droit. Puis là, effectivement, il y a trois géographes. Notre security studies est là. Psychologie, archéologie, psychologie, géographie. Effectivement, il y a un paquet de géographes ici. Peut-être ça mériterait de pousser un petit peu plus, mais de prime abord, il n'y avait rien, en tout cas, qui était aussi flagrant que la façon dont ça se répartit par institution. Le fait d'avoir réussi à sélectionner des CV plus complets nous a permis d'avoir une base de comparaison. Et là, je vous avouerai que je trouve ça assez étonnant. Voilà ce que je voulais vous présenter par rapport à là. Et donc, comment cette analyse par trajectoire à partir de ces données des CV permet vraiment d'identifier des populations très différentes, et donc des profils d'organisateurs de l'évaluation très variés, qui, à mon avis, je pense qu'on peut mettre assez aisément en lien avec les missions de ces institutions. Ça nous donne aussi une idée sur leur mode de... Qu'est-ce qu'elles veulent recruter comme profil? Qu'est-ce qui est valorisé? Et voilà, j'ai peut-être déjà parlé beaucoup, en fait. Merci beaucoup, Joël. Donc, une brève discussion sur ce qui vient d'être présenté. Et puis, peut-être ensuite, on enchaîne, ou on fait une petite pause, ou on vote et on décide. Donc, des questions, des observations, Yann. Je reviens un peu plus sur les variables que tu as utilisées parce qu'en fait, tout est là, quoi. C'est-à-dire, ce qu'on va pouvoir se reprocher assez facilement, c'est de dire. Tu as pris des variables qui, par essence, distinguent les gens affiliés au CNRS ou au PNRS des autres. Et donc, en fait, tu obtiens ce que tu vas obtenir. Il faut en tout cas juste donner des précisions sur les variables que tu utilises. Pour prendre un cas classique, je pense que si le CNRS est surreprésenté dans une institution et que tu prenais comme variable enseignement donné à l'année, nombre d'heures d'enseignement donné à l'année, et tu dises, oh mais regardez, c'est incroyable, ça dit, voilà quelque chose qui distingue très nettement, sans que j'ai triché en projetant. Je vois ce que tu veux dire. Les variables que je prends, qu'on a pris, que nous avons choisi de prendre, sont les éléments qui sont déclarés par les personnes. En gros, en termes de responsabilité et de fonction occupée. Évidemment, on prend les responsabilités pédagogiques, par exemple, comme indicateur, mais on prend aussi donc les présidences de revues de sociétés savantes, ou donc les projets, ce que je disais, etc. etc. Par contre, il y a une chose sur laquelle je suis en train de travailler, parce qu'effectivement, tu pourrais m'attendre à ce tournant-là, c'est-à-dire être au CNRS est un élément de la trajectoire. D'accord ? Être délégué scientifique à l'ARS aussi. Là, tel que c'est pris... C'est pris en compte. Ouais, c'est pris en compte. Mais je l'ai fait sans le prendre en compte aussi. Mais pourquoi je le prends en compte ? Je me suis vraiment posé cette question-là. Mais je le prends en compte parce que c'est un élément de la trajectoire. Oui, mais si tu expliques un élément de la trajectoire par l'élément de la trajectoire... Oui, ouais, mais sur 27 variables, c'est une variable. Oui, mais comment faire quand on a des gens, par exemple, qui sont à l'ARS, mais qui ont eu des missions à l'ANR ? Je ne peux pas ne pas le prendre en compte. Je ne peux pas dire je prends tout, sauf ce qui concerne le CNRS, l'ANR et l'ARS. Pourquoi ? Bah parce que c'est super important, des gens qui sont à l'ARS et qui ont été aussi au CNRS ou qui ont été aussi à l'ANR. Oui, mais si ton résultat final, c'est de montrer que les gens qui sont au CNRS ressemblent aux gens qui sont au CNRS, tu ne peux pas prendre comme variable active le fait d'être au CNRS. En tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va... Mais tu peux le faire par les vagues. Si tu sélectionnes, parce que là c'est toutes vagues confondues, donc non. Il n'y a pas assez de monde pour distinguer. Ben ouais. C'est ça. Le temps est complètement écrasé là. Mais la réponse de Joël qui consiste à dire j'ai fait l'exercice sans ces trois variables et ça marche. Je vais vous le montrer. On peut aussi te prendre sur parole et puis ensuite continuer à travailler avec. Parce que si dans ces cas-là, peut-être que le fait que les logiques disciplinaires soient sous-présentes dans ton résultat avec les trois variables en question, c'est peut-être lié à ces trois variables en question. Tu vas pas plus trouver de discipline, quelque chose sans. Ça, c'est la même chose sans les trois variables en question. D'accord. C'est un peu plus varié, mais tu retrouves quand même effectivement. Mais c'est beaucoup plus convaincant. Bah, je sais pas. C'est une vraie question. J'y ai effectivement pensé. On en a discuté avec Christian et on a décidé finalement de garder ces variables-là. Alors je les avais enlevées auparavant, avec l'idée que c'est un élément effectivement important de qualification de la trajectoire. En fait, passer par d'autres types d'analyses statistiques pour voir la contribution des variables aux typologies et voir immédiatement si ça pèse complètement sur ton situation finale. Mais dans tous les cas, mon avis, c'est en supplémentaire. Mais je pense qu'on pourrait essayer de voir. Là, il faudrait que du coup je le réanalyse, etc. Je l'ai fait juste avant de venir pour voir comment ça fonctionne. C'est très convaincant. Mais. Après, il faudrait voir comment se répartissent les groupes et voir comment ça se redécoupe. J'ai pas fait l'adresse. Là, c'est une question très naïve, mais le CV, vous les avez écrits, vous avez arrêté le parcours au moment de l'entrée dans exactement. Les institutions. Oui. Donc, pourquoi, dans ce cas-là, vous prenez le critère qui est dans l'institution Autant retirer celui-là et là vous avez ceux qui précèdent. Non mais de toute évidence il y a quelque chose qu'il faut mettre au point sur cette affaire. Mais l'impression que j'ai par rapport à un éventuel artefact, c'est que en gros il y a tout un paquet de variables qui ne peuvent concerner que des universitaires. Hein, ce sont les prises de responsabilité au sein des universités et au sein des enseignements qui ne sont pas des enseignements de type doctorat. Un chercheur au CNRS peut parfaitement présider théoriquement à une école doctorale, sauf que ça n'arrive jamais. Donc il y a une série comme ça de c'est vrai, hein, Joël, de variables qui sont universitaires. Pour tout le reste, il me semble que tout le monde a ses chances d'une certaine façon. Aller passer 6 mois à Stanford, on peut être prof, on peut être au CNRS, on peut y aller, être dans un comité de revue, etc., etc. Donc l'impression que j'ai, c'est que en fait, il y a quelque chose qui sépare structurellement, je dirais, les universitaires des non-universitaires. Mais parmi les universitaires, il y a tellement de variables qui peuvent les faire se différencier les uns des autres. Ça, je crois que c'est assez clair dans la description de Joël. Que bon, ça, je crois qu'il faut. Ça pèse pas si lourd que ça. En fait, l'effet qu'on voit Ici, c'est l'effet aussi de ce que Christian a montré tout à l'heure, c'est-à-dire la façon dont l'ARS recrute en province des universitaires, par exemple, dans la façon dont l'ANR recrute plutôt des chercheurs en fin de parcours et qui ont cumulé les distinctions, les lauriers, etc., et dont le CNRS a vraiment son ancrage, son ancrage de chercheurs, CNRS, qui va... on a plus ses chances pour aller à Stanford quand on est quand même au CNRS que quand on est universitaire, Christian, mais... oui, je t'en prie. Quelle est la question ? C'est-à-dire que j'ai l'impression que l'hypothèse implicite, c'est qu'il y a trois instances de pouvoir qui recrutent dans un même pool de gens, et pourquoi est-ce qu'elles recruteraient des gens différents ? Or, ces instances ont des objectifs très différents, des rôles différents les uns des autres, donc il est absolument raisonnable qu'elle recrute des gens qui sont différents. Ce qu'il faudrait plutôt. Il me semble qu'il faudrait surtout s'interroger sur les raisons pour lesquelles parfois elle recrute les mêmes. C'est normal que le Comité national du CNRS recrute parmi les universitaires ceux qui ont dirigé des labos et qui ont fait beaucoup de recherches par rapport à ceux qui se sont investis dans la formation pédagogique. Ou alors ce serait. C'est comme ça que les gens se présentent de toute façon pour être recrutés, pour être élus au comité national. Inversement, l'AERS recrute des gens, les gens qu'on prend pour l'AERS, c'est pour évaluer des universités de province. Et donc, on voit des gens qui les connaissent, qui savent comment ça marche. La majeure partie des universités sont dans la catégorie petites universités que tu as mentionné tout à l'heure. L'ARS a vocation d'évaluer tout le monde. Évaluer tout le monde, mais évidemment, comme elle n'évalue pas en fait la même population que le comité national, qui n'évalue que les gens qui sont dans les UMR, c'est-à-dire une petite fraction de la population SHS, il y a absolument, et elle les évalue, le comité national les évalue uniquement sur le critère recherche, alors que l'ARS évalue tout le monde avec une diversité de critères. Et un objectif d'être capable de pondérer l'importance de l'activité de recherche, de l'enseignement, la valorisation sur le territoire, les relations avec les collectivités locales, enfin tous ces trucs-là, qui évidemment ne sont même pas dans extrêmement peu dans le viseur du comité national. De manière, je cherche à comprendre exactement quelle est l'hypothèse et comment est-ce qu'on procède pour la tester. Je ne sais pas si on aura nécessairement la même réponse, mais je dirais d'abord que notre rôle n'est pas de juger du bien fondé du mode de recrutement de chacune des institutions, c'est-à-dire de l'adéquation de la population recrutée aux missions. Ça, ce n'est pas notre travail, bien sûr. En revanche, je pense qu'il peut être intéressant de comprendre comment ces institutions fonctionnent, dans quelle logique est-ce que les gens travaillent bien au-delà de leur mission officielle et des textes qui les régissent. Il peut être intéressant de voir, enfin d'examiner de très près, dans quelles expériences du monde de la recherche et de l'enseignement les différentes populations se trouvent, pour essayer de comprendre la façon dont ils exercent ces missions. Donc, au fond, c'est une description qui vise à une description ethnographique et beaucoup dire, alors qu'on a des outils plutôt de type formalisé, mais disons une description aussi proche que possible d'une description des trajectoires. En quelque sorte. Au fond, ces populations-là, en quoi diffèrent-elles ? Sur quoi diffèrent-elles ? Non pas sur leur mission officielle, ça c'est un autre sujet qui ne concerne pas, mais dans quelle expérience du monde enfin se trouve. Voilà en gros la question essentielle. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait des conclusions ? C'est une autre affaire. Ce serait la réponse que je donnerais à ta question. En réaction à ce graphe, où vous avez l'air étonné de trouver une forte séparation entre les groupes, alors que spontanément, moi, ce qui m'aurait étonné, c'est qu'on ne la trouve pas. Et c'est pour ça que ma suggestion serait plutôt de travailler sur les recouvrements et les zones, parce que je ne pense pas qu'on trouve que c'est un résultat étonnant que d'avoir une distinction des parcours en plus affichés de gens qui sont dans trois instances à vocation différente. C'est peut-être rassurant en un sens, peut-être pas, je ne sais pas, mais... Je ne pense pas qu'il était inscrit dans le texte, par exemple, qu'on aurait pu imaginer que le grand patron des universités de province et du centre de Paris prennent en main l'évaluation de l'ESRDSP. Pourquoi pas ? C'est-à-dire peuple, en effet, les bureaux, en quelque sorte, de l'ARS. Ça ne s'est pas produit. Donc on constate, c'est déjà pas mal de le décrire, personne ne sait ça. Je crois, enfin, sauf peut-être les indigènes, mais je ne pense pas qu'on ait une description fine comme ça, enfin, une description relativement robuste en tout cas de ces populations. Et je ne pense pas non plus que, enfin, pourquoi l'AMR ça se présenterait de cette façon. Ça n'a rien d'évident non plus. Pourquoi par exemple, on n'a pas d'accord sur pourquoi, mais constater par exemple que des instances, que des organisateurs de l'évaluation à l'AMR ont écarté de fait les grands établissements, ce n'était pas non plus une évidence. On le constate, ensuite on peut se poser toutes sortes de questions sur le pourquoi et le comment, mais je pense qu'on apporte quelque chose dans le mode de description des réalités de ce système. Alors, est-ce qu'il y a une question à laquelle ceci donnerait réponse ? Je ne suis pas absolument certain. La question qui nous a amené, en fait, pour vous répondre, c'était plutôt de saisir les institutions, non pas à travers leur mission, etc., à travers les personnes qui les peuplent. Et donc, peut-être de partir, une institution existe à partir des personnes qui les habitent, et donc voir, est-ce qu'il existe des différences ou non à partir des personnes qui font être ces institutions ? Et donc essayer de les qualifier à travers les personnes. Et c'était, je pense, ce qui nous a au départ parti, et de voir derrière les personnes qui sont choisies, là en l'occurrence pour organiser les évaluations, si des choix qui sont faits, des choix de politique de gouvernement de ces évaluations-là, en sachant si on va mettre en avant davantage tel type de profil sur tel autre, tel type de discipline sur tel autre, etc. etc. Et je pense que là, si on a une question effectivement sur laquelle on peut essayer d'avancer par cette analyse prosopographique des populations de ces institutions-là, ce serait sur ce type de question-là, à mon sens. C'est, disons, un temps de travail à tous les niveaux, c'est peut-être désagréable de pousser vers d'autres directions. Cela dit, ça n'empêche pas que vous puissiez soit l'avoir déjà fait, mais disons, si on remarque un contexte un peu plus large, par exemple, combien, et ça on le sait peut-être, mais sur les projets qui sont présentés et qui après sont acceptés, tout le monde sait que le pourcentage est en fibre et que dans ce jeu des évaluations, il n'y a pas seulement une sorte de binôme entre les groupes de chercheurs et les évalueurs, mais il y a aussi de plus en plus, et je ne sais pas dans quel pourcentage, l'ajout par exemple de cabinets de conseil. Alors ce qui m'intéresserait, c'est vrai, c'était absolument pas votre propos, mais si on imagine ça dans un contexte plus vaste, disons, est-ce qu'on pourrait étendre l'analyse à un contexte plus vaste, ou est-ce que ça a déjà été fait? Je pense que ce serait une énorme richesse de pouvoir faire un terrain ethnographique, un peu comme a fait Michel Lamont, pour savoir. Moi, je veux bien, si l'ANR est prêt à me recruter pour que je puisse faire de l'observation participante, je serais ravi. J'en suis pas totalement convaincu, mais je pense que ce serait extrêmement utile, et c'est une des limites, effectivement, de ce type d'analyse, et c'est ce que disait Christian tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est très limité, finalement, dans les conclusions qu'on peut apporter sur, effectivement, les logiques de fonctionnement, les modes de pensée, les catégories de jugement qui sont opérées dans ces institutions-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et ce serait, je pense, un terrain extrêmement complémentaire de pouvoir faire ça La question est que je ne suis pas totalement sûr que ces institutions, mais peut-être, hein, je pense que c'est quelque chose à essayer, à faire ce type d'enquête-là. En tout cas, je pense qu'on aurait vraiment intérêt à l'ouvrir et à poser ce débat-là dans notre champ professionnel à nous. Ouais. Alors, c'est vrai que les enquêtes que nous faisons, c'est des enquêtes à distance. L'ANR et des institutions analogues, le Fonds de la recherche suisse par exemple, ou des institutions européennes, financent des travaux sur eux-mêmes. Pour avoir reçu à Genève un dossier tout entier qui a été proposé de travaux issus de ce type de financement, c'est spectaculaire à quel point les jeunes chercheurs qui se sont embarqués dans cette affaire et qui ont passé beaucoup de temps se sont très strictement tenus aux questions posées par l'institution sur eux-mêmes. Et par conséquent, en particulier, une description purement sociologique, toute simple, comme celle qu'on esquisse là, de qui peuple ces institutions-là, l'idée de le faire. Donc je pense qu'il y a un risque, il y a un problème, disons. À travail indépendant par rapport à ces institutions est un travail sans moyens, mais en même temps, c'est un travail qui pose des questions qui sont plus difficiles à poser quand on est financé par elles. Ça, c'est une chose qui peut être dite. Et par ailleurs, en ce qui concerne les projets retenus par l'ANR, ça c'est une vieille idée qu'on a à qui gouverne la science, puis on a un peu du mal parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à tout ça. Mais faire un travail, je désespère pas de convaincre Francis Chateaurino de s'y coller, c'est-à-dire d'utiliser son bel outil d'analyse textuelle pour travailler sur à la fois les appels à projets et les projets retenus. C'est très limité, parce que, évidemment, c'est la pointe de l'iceberg, 9 projets sur 10, j'exagère, 8 projets sur 10 sont refusés en sciences humaines et sociales, et ça serait évidemment à comparer ceux qui sont retenus et ceux qui sont refusés qui seraient intéressants. C'est pas possible, c'est pas public. Peut-être faudrait-il faire toutes sortes de démarches que nous n'aurons pas le temps de faire, ni l'envie. Mais déjà, travailler, faire une analyse textuelle assez brute du vocabulaire de toutes ces choses-là, ça pourrait être assez intéressant. Alors, à ceci, une objection peut être faite, nous a été faite dans une discussion comme celle d'aujourd'hui, c'est qu'au fond, les chercheurs qui présentent des projets intègrent autant que faire se peut le vocabulaire de l'institution cible. Donc, au fond, tout ça est autologique, autoréférentiel. Et bien, comment en fait on est en train de nous faire vivre dans un monde autoréférentiel de ce genre, autant avoir les moyens de décrire. Voilà, c'est déjà pas mal. J'imagine un énorme principal qui fait ce travail. Parce qu'on met ensuite sur le web un prédicteur de réussite. C'est génial. Tous les gens, avant de soumettre un projet, passer par le prédicteur et boum, il y a un projet. Il faut mettre Chateaurino sur le coup pour que ça nous pompe des projets. Voilà. C'est un projet vert. On va créer une entreprise. Juste une question. Dans ce diagramme-là, est-ce qu'il n'y a pas un biais tout bête qui serait, comme quand même les plupart des CV que vous avez pris sont liés à l'institution, enfin sont les CV de l'institution, si j'ai bien compris. Le CNRS ne publie pas de CV. Hein, ouais. L'AVRS, mais en général, on a pris le CV de l'AVRS que si on ne trouvait pas un CV plus complet, parce que souvent ils sont quand même assez liminaires, comme ce que je vous avais montré. C'est pas un biais qui serait lié au biais de présentation des institutions, la manière dont les institutions souhaitent présenter leurs membres. Non, mais enfin. D'une certaine façon, quelqu'un qui occupe un poste va aussi mettre en avant les éléments dans son CV qui va rendre légitime le fait que son poste est... Mais bon, on est parti d'une idée qui est bonne ou mauvaise, mais qui a quand même une certaine puissance épistémologique, je dirais, et puis on n'est pas les premiers à le dire. La présentation de soi, la représentation du monde, ça fait partie du monde lui-même. On est dans le monde social, et c'est ce monde social qui est de la chose et de la chose dite, prise ensemble, que nous décrivons. Voilà. On peut de toute façon pas faire mieux. L'impression que j'ai quand même, c'est que vos deux présentations un peu séparées gagneraient énormément à être combinées. C'est-à-dire que je pense que ce qui ce que toi tu montres, Christian, ce sont des phénomènes très étonnants de composition de ces institutions. On voit qu'il y a des tendances à la composition qui sont très liées à l'âge. Mais alors, ce qui pêche un peu pour essayer d'expliquer ces différences-là, c'est que tu les prends pour acquises. Tu pars de la différence pour comparer la composition des établissements. Alors que toi, ce que tu fais, c'est que tu prends un ensemble d'une population et au final, tu montres qu'il y a des gens qui se ressemblent. Je pense que, à mon avis, c'est l'idée. Partir des variables que tu prends toi pour enseigner les institutions et faire la méthode que tu utilises toi, c'est-à-dire, en gros, attribuer à chaque individu le fait d'être méthode de conférence dans telle discipline, dans etc., et voir jusqu'à quel point tu obtiens avec ce genre d'analyse les institutions en question. Parce que, je pense quand même que le gros biais dans l'analyse des CV prise comme justification, etc., c'est, il faudra en discuter, mais c'est qu'ils sont en partie conçus pour correspondre aux institutions que vous étudiez. C'est-à-dire que moi, quand je vois un CV d'un historien qui, celui que tu as montré, là, qui écrit en anglais, etc., etc., je me dis, lui, il a sûrement mis en ligne un CV qu'il avait préparé pour obtenir une ERC ou pour obtenir une espèce de chose comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessairement. Enfin, j'ai l'impression que ces styles de présentation de soi sont quand même déjà pris. Dans les filtres institutionnels, et c'est pour ça qu'ils sont normalisés comme plus. Voilà, mais du coup, expliquer quelque chose d'un peu circulaire, alors qu'avec les caractéristiques propres des individus d'être maître de conférence ou chargé de recherche ou prof dans tel établissement plutôt qu'un autre, etc., et de regarder la dispersion. Mais ces caractéristiques ne font pas partie de l'analyse de carrière. Moi, je ne les ai pas mis les statuts dans la carrière. Ah, d'accord. Ça, c'est un peu qui m'échappait complètement. Moi, je trouve quand même aller contre ta réticence à aller demander les données à ces institutions. C'est la question des projets refusés. Non, mais d'abord, je suis persuadé que le conférence serait enchanté qu'on lui fasse ça sur les projets refusés versus les projets acceptés, en anonymant les projets un peu. Ça peut se faire, il y a des manières de faire. Je suis convaincu que, si c'est un sociologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse pas de faire ce que je veux, y compris de compléter une partie de l'information. Et je suis persuadé que c'est un outil aussi pour lui, éventuellement, dans la légitimation, d'une institution par rapport à une autre. Qui est une tâche écrasante, mais pas dans les échelles, absolument. On va aller jusqu'au bout. Non, mais c'est à tenter. C'est à tenter. D'accord. Peut-être une toute dernière remarque, parce qu'il faut qu'on parle de science, quoi. Enfin, je veux dire de vraie science, de biologie et de santé. Je résume la situation. On a bossé d'arrache-pied depuis hier. Non, en fait, si on présente un truc, on présenterait un peu la même chose qu'on a présenté au... Beaucoup moins bien fini. Entre nous, enfin, un petit séminaire. Et donc, c'est une analyse en fait d'institution, mais qui est quand même assez descriptive. Et en fait, on a pas beaucoup progressé là-dessus. Donc, je sais pas si... Est-ce que ça vaut le coup, ou est-ce qu'on fait un truc... Ça peut être fait, à mon avis, assez rapidement. Il y a juste la description des institutions, quand même, qu'il faut donner. On a 2-3 graphes. C'est ce dont vous avez envie pour se séparer maintenant et reporter à la rentrée pour avoir quelque chose de plus musclé, si vous pensez que c'est utile. Si vous pensez au contraire que c'est bon d'avoir une discussion aujourd'hui pour avancer, vous y allez. Je vais, vous avez bossé comme des fous de ces oui, derniers mais jours. Que c'est vexant de faire. Non, parce qu'en fait, si tu veux, on n'a pas eu le temps d'en faire quelque chose de présentable comme on avait eu le temps avant, parce qu'on a rajouté d'autres institutions. C'est ça qui s'est passé. C'est qu'on a retrouvé le CEA, l'INRA, l'Institut Pasteur, plein de choses qui manquaient. Et donc, on a passé pas mal de temps là-dessus, et du coup, on n'a pas eu le temps de les interpréter. C'est pour ça qu'on est arrivé. C'est le temps. Dernier graphe. Si c'est pas... Donc, je pense que ça serait un peu dommage qu'on ne fasse pas un peu ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, qu'est-ce que tu Moi qu'on repose. Oui, oui. Et qu'on se met à la rentrée prochaine. On aura peut-être un truc en plus qui est le. Les sciences nous accueillent à nouveau. Si on aura peut-être un truc en plus qui sera justement la classification, parce que là, avec Yann, on a tiré donc, tous les X, les NS, les Sciences Po, tout ça. Et donc, Yann a fait une ACP ce matin, là, qui donne un truc assez marrant. En fait, dans tous les ENS qu'on a dans notre réseau, il y en a en 25% qui sont dans CNU et SHS. Et donc, on s'est dit, bon, en CNU, en SHS, donc on s'est dit, tu viens un peu, ou un truc comme assez, ça. Assez incroyable. Je pense que moi, je pense qu'il n'y a pas de bug. Donc c'est assez marrant. Non, pour... Ah, mais c'est quand même assez incroyable. C'est violent. On regarde certaines autres institutions, on trouvait que c'est assez Mais bon, ça pourrait être marrant de présenter ça en même temps. Mais on préfère affiner, c'est prendre que les ENS, qu'on a pris que les ENS depuis la création de 1789. Ouais, si elle passait l'après-midi, on va plus à partir de 1960. Parce qu'il peut y avoir des mouvements courts. Des homonymes. Ouais, parce que c'est ce que vous pouvez dire, parce que c'est vrai qu'il y a 25%. Mais même quand j'ai créé hier soir, j'avais pris les sachets pour 25% du normal mouvement. Donc il y aurait plein de stats à faire en interne. Donc on va avoir des jolis, peut-être, des jolis pointages d'institutions. La dernière fois, déjà, c'était limite sur les nuages toute la nuit. Et là, on a eu les premières semaines. D'autant plus que si on reporte un petit peu, ça nous rapprochera de la version écrite que vous publierez bientôt. Oui, voilà. C'est vrai que pour les enseignants-chercheurs n'ayant le temps de travailler que les juillet, 15-20 août, on arrive sur notre période de doute. Bon, donc rendez-vous sur ce dossier, si je puis dire, à la rentrée.